إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc les frères en Allah عز وجل, on avait commencé une série de cours qui avait pour titre par l'événement actuel. Et aujourd'hui, c'est donc le deuxième cours. Et il sera assez court parce qu'on va s'attacher juste à terminer de traduire ce qu'avait dit notre cheikh Khalid Abdrahman al-Musri hafidhahullah ta'ala. Et on avait parlé du tafsir de certains versets de sourate al-A'raf. Et on avait parlé, le dernier point en tout cas, et c'est pour juste replacer le contexte, on avait parlé qu'al-Bukhari rahimahullah avait rapporté qu'une chaîne de transmission authentique selon les conditions d'Al-Bukhari, et Al-Bukhari a rapporté dans son authentique beaucoup d'ahadith avec cette chaîne de transmission. Il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde avec sa chaîne de transmission authentique jusqu'à Abu Damrah, qu'il a dit: lorsque la maison d'Allah fut brûlée, je me rendis chez Ibn Abbas. Lorsqu'il m'a connu et qu'il s'est habitué et qu'il fut apaisé envers moi, je lui parlais et lui racontais ce qui s'est passé et j'insultais le Hajjaj. Et on avait rapporté la réaction et la réponse d'Ibn Abbas, qui a dit à Satan. C'est-à-dire, ne sois pas un aide à Satan à l'encontre de l'Hajjaj et que donc tu insultes l'Hajjaj. Et donc, on s'était arrêté à ce point-là. Donc, on continue la parole de Cheikh Khalid Abdrahman. Pour les gens peut-être qui n'avaient pas assisté au premier cours, comme je l'avais déjà dit, Inch'Allah, j'essaierai de mettre en ligne le PDF peut-être demain, Inch'Allah, pour que les gens aient les notes aussi du cours. Eh bien, c'est que c'est une daura, un colloque salafi qui a été organisé au Koweït. Parmi les organisateurs, il y a Cheikh Ahmed Soubiri, hafidhahullah ta'ala, et c'était lui qui avait fait l'allocution introductive pour présenter la daura et pour présenter les paroles des autres mashayikhs. On avait dit que cette daura avait participé le noble Cheikh Khalid Abdrahman al-Masri, hafidhahullah ta'ala, et après lui, Cheikh Abu al-Abbas Adil Mansour, ta'ala, et également Cheikh Khalid ibn Tahwi al-Dhufairi du Koweït, hafidhahullah ta'ala. Et dernier, à la fin, c'était Cheikh Mohamed Ramzan Al-Hajiri, hafidhahullah ta'ala, d'Arabie Saoudite. Et on avait déjà traduit la parole de Cheikh Ahmed Soubiri, qui est donc l'allocution introductive, comme on l'a déjà dit. Et on s'était attaché à traduire en partie, pas complètement, la parole de Cheikh Khalid Abdurrahman Al-Misri, hafidhahullah ta'ala. Et donc aujourd'hui, on s'attache à terminer la parole de Cheikh Khalid Abdurrahman par rapport au verset de sourate Al-A'raf et par rapport aux juifs et ce qui s'est passé quand Allah Azzawajal leur a interdit de pécher le samedi. Et on est arrivé au point où Cheikh Khalid Abdrahman a dit: إذن كيف كان هؤلاء الرجال كما في صحيح مسلم يرسل الحجاج إلى ابن عمر يستفتيه كيف يؤدي مناسك الحج، فيجيبه ابن عمر، يمر ابن عمر في صحيح مسلم على ابن الزبير كما في صحيح مسلم على ابن الزبير وقد قتل معلقا منكوسا على الجدر، ويقول والله، بعد أن يذكر ثناء على ابن الزبير أنه كان صواما وصولا للعيد، يقول والله قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك. فأين كلامه في الحجاج؟ وأين خروج هؤلاء؟ وأين المظاهرات؟ وأين المصالح الكاذبة التي يظنها السفهاء أتبع كل ناعق؟ بين خارجين يظنها السفهاء الجهال أتبع كل ناعق، بين خارجين ضال وبين معتزلي يرد نصوص بعقله، إن هذا عيب والسنة وما كان عليه السلف، فلو رأينا بأعيننا أن كما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه أننا نمشي في أمر أمرنا الشرع به نظن أنه دنية، نحن لسنا أعقل من عمر، بل نقطع بأنه أتقى وأعلم وأعقل. فإذا رأينا ما قد رأه قبل أن يستبين له الحق أننا إذا اتبعنا الشرع فإن هذا كذا وكذا ولا يصلح كذا وكذا، ولكننا موقنون هكذا يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نكذب عقولنا الساقطة ونتبع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لذلك يا إخوتي، حين يبين الله عز وجل وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. دوك الشيخ خالد بن الرحمن حفظه الله تعالى il continue cet excellent rappel en disant donc comment étaient ces hommes. Et comme Muslim a rapporté, Al-Hajjaj a envoyé quelqu'un chez Ibn Omar. Et on a vu qui était Al-Hajjaj. On avait rapporté des chaînes de transmission authentiques qui nous ont décrit qui était Al-Hajjaj. Et que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit qu'il y a dans cette communauté un kazzab, un grand menteur et un moubir. On avait dit c'était quoi le moubir? C'était le muhlik. Et que Nawawi, rahimahullah, il avait rapporté l'unanimité des savants pour dire que c'était Al-Hajjaj. On avait dit qu'Al-Hajjaj, pour illustrer cela, il avait tué 120 000 personnes. Et que le calife a fait sortir des prisons des geôles de l'Hajjaj, il a fait sortir 80 000 personnes. Parmi ces personnes-là, 30 000 femmes. Et on a vu qu'il a tué certains parmi les nobles compagnons, etc. Et donc on a dit, l'Hajjaj, et on a vu qu'il était l'Hajjaj, a envoyé quelqu'un chez Ibn Omar, lui demandant une fatwa sur la manière de s'acquitter des rites du pèlerinage. Et Ibn Omar lui a répondu. Et comme cela est rapporté dans l'authentique de Muslim, qu'Ibn Omar passa près d'Ibn Zubayr, alors qu'il avait été tué et pendu à l'envers sur les murs, disant, et ce après qu'il ait fait les éloges d'Ibn Zubayr, radhiallahu anhu arda, comme étant quelqu'un qui jeûnait beaucoup, sawaban, et visitait beaucoup ses proches, wasoulan lil arham, etc. Il lui a dit, par Allah, je t'interdisais cela. Et Cheikh il dit, hafidahullah ta'ala, où est donc sa parole sur Al-Hajjaj? Et où est la rébellion de cela? Et où sont les manifestations? Et où sont les avantages mensongers qui sont considérés comme tels parmi les ignorants idiots qui suivent toute personne qui pousse des cris? Entre un Khalij égaré et un Mu'tazili qui rejette les textes à cause de sa raison. Cheikh El-Di Hafidahullah Ta'ala, cette religion est basée sur le Coran et la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs. Et Cheikh El-Di, donc même si nous voyons de nos propres yeux, comme Omar l'a vu, que nous allons dans une chose qui nous est commandée par la législation et que nous pensons que c'est un déshonneur. Et nous ne sommes pas plus dotés de raison que Omar. Mais de plus, nous affirmons de manière catégorique qu'il est plus puissant qu'on a rapporté le fada et de Omar de l'Anou Arda. Donc, le Cheikh dit, si nous voyons ce qu'il a vu avant que la vérité lui apparaisse clairement, que si nous suivons la législation, alors cela et ceci ou cela, et que telle chose ne convient pas, mais que nous sommes certains que c'est comme cela que veulent Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, alors nous démentons nos basses raisons et nous suivons le Coran et la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs. Et je vous avais rapporté une règle que Cheikh Khalid Abdurrahman, hafidhahullah ta'ala, il avait cité dans le cours précédent, c'était que al-mafasid, bab al-mafasid wal-masalih, laysa bi'uqulin nas, innama hiya biqawa'idi shar'a. Que les avantages et les désavantages, ce sujet-là, cette affaire-là des avantages et des désavantages, n'est pas à être mesuré par les raisons des gens, mais doit être uniquement mesuré par les règles de la religion, les règles de la législation islamique. Et Cheikh, il continue en disant, c'est pour cela, ô mes frères, que lorsque Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, et interroge-les au sujet de la cité, et c'est la traduction du sens des versets de Sourate Al-A'raf qu'on a cité, et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsque les transgressaient le sabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur sabbat. Et ne venaient pas. Ainsi les éprouvions, nous, pour la perversité qu'ils commettaient, et quand parmi une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Écoutez maintenant les fawaid manhajiyah que Cheikh Khalid Abdurrahman va prendre de ces versets-là. Il dit, ma fa'idatu an tasda'u bil haqqi wa an tanhaw ha'ula alladhina yasiduna as-samak yawm as-sabt. Ma fa'idatu min kalimati al-haqq wa hum lan yastajibu wa inna Allah sayu'adhibuhum 'ala dhulmihim fad'uuhum. Wa hada inqisam an-nas ila firaqin 'inda al-fitan. Ça, c'est un point vraiment très très important de comprendre. Et c'est ce que dit le Cheikh ici. Il dit, en référence à cette partie-là des versets, dont la traduction du sens est, et quand parmi une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman illahu muhlikum am mu'adibun 'adaban shadida. Cheikh il dit, quel est le bénéfice de dire la vérité alors qu'ils n'accepteront jamais et qu'Allah va les châtier en raison de leur injustice? Laissez-les donc. Et telle est la catégorisation des gens lors des troubles. Et ça, c'est une notion à laquelle on a fait référence au cours précédent. On avait dit que dans les troubles, dans les fitanes, dans les épreuves, eh bien, les gens sont dans de trois catégories. On avait déjà cité de manière générale qu'une première catégorie, c'est ceux qui disent la vérité et ordonnent le bien et interdisent le mal. Un deuxième groupe, eh bien, c'est ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis un troisième groupe qu'on appelle Al-Waqifa. Et on va voir c'est qui dans un instant, inshallah, plus en détail, c'est qui ces gens-là. Et Cheikh dit, et telle est la catégorisation des gens lors des troubles. Ta'ifatun yaqumuna bima amarahum Allah. Wa ta'ifatun dhum ya'sun Allah. Wa ta'ifatun waqifah alladhin yaqifun. Fala ya'murun wa la yanhaun. بل يثبطون ويضعفون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي أنك تقوم بالحق قبل منك أو لم يقبل وإن خالفك كل الناس إلا أنك يكون لك عذر عند الله قالوا معذرة إلى ربكم ليكون لنا العذر عند الله أمرنا أن نصدع بالحق فليقبل من يقبل وليأبى من يأبى فلست على الناس بحريص فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قد يتقون قد يهتدون فإن لم يهتدوا قد أعذرنا أنفسنا لله بأن نفذنا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى قالوا معذرة إلى ربكم. On va traduire ce premier passage ici. Cheikh Eddy Hafidahullah Ta'ala, toujours en référence aux trois groupes qu'il y a lors des troubles, lors des fitanes, lors des épreuves. Et on avait dit que c'était la catégorisation des gens lors des épreuves et des fitanes. Et bien, il dit, il retenait ces trois groupes-là, Inch'Allah, et c'est bien un groupe, c'est le premier, qui s'acquitte de ce que Allah leur a ordonné. Le deuxième groupe, c'est le groupe des injustes qui désobéissent à Allah. Et ici, en l'occurrence, par rapport au verset, c'est ceux qui ont désobéissé à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'interdiction de pécher le samedi. Et puis, il y a un troisième groupe. Un groupe qui ne prend pas position. Et que le ulama, ils appellent ta'ifatu. Il s'arrête, il est décrit de cette manière, il dit, il s'arrête et n'ordonne pas le bien, ni n'interdise le mal, mais de plus, ils découragent et affaiblissent. Puis Cheikh dit, et quand parmi eux, une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent, les gens qui sont le groupe qui s'est acquitté de ce qu'Allah leur a ordonné, ils ont répondu comment? En disant, selon la traduction du sens est, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. Cheikh El dit, peut-être deviendront-ils pieux, peut-être suivront-ils la guidée. Et s'ils ne suivent pas la guidée, alors nous nous sommes dégagés de notre responsabilité vis-à-vis d'Allah. Car nous avons mis en application ce qu'Allah nous a ordonné de faire. Ils répondirent, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. Le verset continue en disant, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Jusqu'à la fin des versets. Qu'est-ce que Cheikh Khalid Abdurrahman dit par rapport à ça? اتفق المفسرون من السلف ومن تبعهم من الخلف على أن الطائفة التي أنجاها الله صراحة هي التي قامت بالحق وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هنا اختلفوا على قولين. قال طائفة من المفسرين من الطائفة التي هلكت هي الطائفة المعتدية التي صادت يوم السبت. وقال طائفة من المفسرين بل إن الذين هلكوا كلتا الطائفتين التي عصت والتي لم تأمر ولم تنهى فهلكت مع الهالكين. وهذان قولان كما ذكر الطبري معروفان للسلف. لكن الذي يهمنا أن الناس حين تأتي يضطربون فالوقوف مع النصوص وأن تلزم ركب العلماء شيخ كسكيل دي حفظه الله تعالى يدي il cite la suite des versets dans la traduction du sens et ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur que peut-être deviendront-ils pieux. Et s'ils ne suivent pas la guidée, alors nous nous sommes dégagés de notre responsabilité vis-à-vis d'Allah, car nous avons mis en application ce qu'Allah nous a ordonné de faire. Ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal jusqu'à la fin des versets. Qu'est-ce que Cheikh Khalid Abdelrahman dit par rapport à cette partie des versets-là? Il dit, les savants de l'exégèse du Coran parmi les plus prédécesseurs et ceux qui leur ont succédé sont unanimes sur le fait que le groupe qu'Allah a sauvé de manière explicite est celui qui s'est acquitté du fait de dire la vérité et saisi par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Le Cheikh dit, ici, ils ont divergé en deux avis. Donc on sait, le groupe qui a été sauvé de manière explicite, c'est quoi? C'est ceux qui sont acquittés de ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné de faire. Et puis par rapport à la suite, il dit, et nous saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Ici, les ulama ont divergé en deux avis. Un groupe de savants a dit que le groupe qui a été détruit est le groupe qui était injuste, qui a péché le samedi. Et un autre groupe de savants a dit, mais de plus, ceux qui ont été détruits sont les deux groupes. Quels deux groupes? Celui qui a désobéi, ta'ifat al-dhum, comme on l'a déjà appelé, et celui qui n'a ni ordonné le bien, ni interdit le mal, est ce qu'on a appelé ta'ifat al-waqifa, et qui donc a été détruit avec les perdants. Et Chéridi, ce sont donc deux avis, comme l'a rapporté Tabari, qui sont connus chez les plus prédécesseurs, mais ce qui nous importe, c'est que les gens, lors des épreuves, sont troublés. Et Cheikh, il fait nasiha. Et c'est ça que nous, on doit tirer de ça, parce qu'on doit tirer des. Et Cheikh Hafdaoulan nous a rapporté des versets du Coran. Il nous fait le tefsir. Il nous rapporte le tefsir des salafs. Il nous rapporte les différents groupes que l'on comprend, et que l'on catégorise les différents types de gens, les différentes catégories de gens, lors des fitanes et des troubles. Et de là, doit découler l'action de notre part. Et là, il nous fait nasiha, le Cheikh. Il dit, toi, mon frère, toi, ma sœur, il dit, toi, tu te dois de t'arrêter au texte et de t'attacher au groupe des savants, au groupe des savants. Puis, Cheikh, il termine cette allocution en disant, ابتدأ الشيخ, أي يعني الشيخ أحمد سبيعي حفظه الله تعالى, بهذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, قال البخاري وهم أهل العلم, وقال أحمد إن لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم. طائفة أهل العلم لا تخلو من الأرض, أئمة أهل السنة الذين يصدعون بها ويقومون بها أينما كانوا وحيثما كانوا. كل من كان إماما في السنة وكل من تمسك بالسنة من أئمتنا فإننا دين الله عز وجل بأن نجري على ما اتفق عليه أئمتنا ولا نخالف الأئمة. إذا تأملوا بارك الله فيكم, حين يفعل الحجاج ما يفعل, وحين يرمي, حين يحترق البيت, وحين يقتل من يقتل, وحين يفعل من يفعل أو ما يفعل, ثم يأتي الصحابة ينهون عن سبه, ثم يراسل من يفتيه فيجيبه بالفتوى, ثم بعد ذلك يأتي من يأتي إلى أنس فيقول اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه إلى آخر الحديث. On va dire traduire ça, il dit, il fait référence à l'allocution introductive de Cheikh Ahmed Soubiri, il dit, le Cheikh, Cheikh Ahmed Soubiri a commencé sa parole par ce hadith sublime, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans leurs authentiques respectifs. Une partie de ma communauté n'aura de cesse d'être sur la vérité, apparente, sans que ne leur nuisent ni ceux qui les trahissent, ni ceux qui s'opposent à eux, et ce jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. Al-Bukhari a dit, le groupe des gens de science ne cesse d'être sur terre, les imams de la sunna, qui déclarent la sunna et l'établissent où qu'ils soient. Tout imam dans la sunna, Cheikh Khalid Abdelrahman dit, et quiconque s'accroche à la sunna parmi nos imams, nous adorons Allah le Très-Haut par le fait d'être sur ce au sujet duquel nos imams sont unanimes. Et nous ne nous opposons pas aux imams. Puis Cheikh dit donc, méditez qu'Allah vous bénisse. Lorsqu'Al-Hajjaj fait ce qu'il a fait, lorsqu'il a dit qu'il avait tiré la catapulte sur la Kaaba, et que la maison sacrée a brûlé, lorsqu'il a tué ceux qu'il a tués, on a vu qu'il a tué 120 000 personnes comme c'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Et que les compagnons interdisent de l'insulter, comme Ibn Abbas l'a fait, par rapport au hadith, au athar d'Abu Damra, et qu'il lui envoie un message demandant une fatwa à Ibn Omar, et qu'Ibn Omar lui a répondu. Et après cela, lorsque quelqu'un vint chez Anas, il lui répondit, patientez, isbiru, car ne vous viendra pas une époque sans celle qui la suive soit pire qu'elle, jusqu'à la fin du hadith. Puis Cheikh continue hafidahullah ta'ala en disant, idan, إن انسعوا للنصوص وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح سلموا وبورك لهم في حياتهم وأما إذا اضطربت بين السبل واضطربت بين السبل وكل يتبع هواه فإن هذا هو الضلال قال تعالى يا داود جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فبين الله عز وجل أن الهوى يضل صاحبه عن سبيل الله وأعتذر أني أطلت الكلمة ما عرفت أضبطها إلا بهذا الوقت وأسأل الله أن يغفر لي ولكم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح الحكام والمحكومين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. شيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى سيدنا الشيخ ديجيبت يلدي pour terminer son allocution. Donc, lorsqu'ils se sont soumis au texte et se sont accrochés à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, ils furent sauvés et eurent la baraka dans leur vie. Tandis que si les voies se troublent et que chacun suit ses passions, eh bien c'est cela l'égarement. Et puis c'est un verset du Coran dans la traduction du sens est « Oh David, nous avons fait de toi un calife sur la terre, juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. » Et c'est la traduction du sens de Surat Sa'd, verset 26. Puis le Cheikh continue hafidahullah ta'ala en disant, Allah le Très-Haut a donc mis en évidence que la passion égare la personne qui la possède du sentier d'Allah. Et puis Cheikh, il dit, pour terminer, et je m'excuse d'avoir été long dans cette allocution que je n'ai su donner qu'en déant ce temps, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne et qu'il vous pardonne, et qu'il réforme la situation des musulmans, et qu'il réforme les gouverneurs et les gouvernés. Et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué et que la prière et le salut soit sur notre prophète ainsi que sur sa famille. Et puis, après cette allocution, il y a celle de Cheikh Abu al-Abbas Adil Mansour al-Yamani, hafidahullah ta'ala, qu'on fera donc dans le prochain cours qui aura pour titre, Inch'Allah ta'ala, parole sur la sunna, pas sur les événements actuels, numéro 3. Et je remercie encore une fois le frère Fawzi de nous accueillir dans son salon, Salafi du Sud et d'Alès. Jazakallahu khairan, et le frère Amérique de Souna Publication aussi de transmettre via sa radio. Et je vous remercie tous d'avoir assisté à ce cours. Wallahu alam, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.